En ce mois d'octobre où la petite laine et la couette chaude sont à l'honneur, les productions Menoum, en collaboration avec le Cercle et la Cuisine, vous ont préparé un autre buffet chaud All You Can Hear pour 10$. Au menu, Mel. Jailbird Joseph. Well, I'm struggling on my own and I am whining on my piano. The sweet still cries within. Pour seulement 10$ et le tout au profit de CKRL, jeudi 9 octobre dès 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph Est. 948-8648. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Ben ce soir, c'est la fin du festival Antenna. On a eu une belle fin de semaine de musique. Ce soir, c'est les Winter Gloves, Bass, puis le groupe de la Combe britannique, You Say Party, We Say Die. C'est tout ça au Cercle, un petit 14$. Donc, écoutez même pas l'émission. Allez-y tout de suite. Vous écouterez l'émission demain en balado-diffusion. Pour ça, ben vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, on débute tout de suite. J'ai découvert une étiquette italienne vraiment intéressante qui s'appelle Lepers Production, ou si on veut en français, les productions des lépreux. C'est une étiquette qui donne un peu dans le punk, folk, acoustique. C'est vraiment lo-fi, vraiment intéressant. On va débuter avec un artiste qui s'appelle Brad Pitt, et non pas Brad Pitt, Brad Pitt comme pain. Donc, je vous fais entendre deux pièces sur son album Non Faté à l'armée. Je vous fais entendre tout d'abord Texans from Barry, puis la pièce Fato di Goma. Ensuite de ça, on entend Alexander Delarge. Je vous fais entendre deux pièces sur son album Nazi Elvis. La première s'appelle Rock'n'Roll Hitler. Puis ensuite, la pièce s'appelle The Fatty Arbuckle Scandal. Pour tout de suite, Brad Pitt avec la pièce Texans from Barry. Looking for Coca-Cola bottle. But he was cool. They banned him sane from working the moves again. Yeah. C'était Alexander Delarge avec sa pièce de Fatty Arbuckle, Scandal. C'est sur l'album Nazi Elvis, des artistes qui sont sur l'étiquette italienne Lepers Production. Donc, on poursuit avec d'autres artistes qui sont sur cette même étiquette. Cette fois-ci avec encore un Italien qui vient de la ville de Bari, en Italie. Donc, l'artiste s'appelle Super Freak. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur son album Since I'm Back in Bari. Donc, je vous fais entendre tout d'abord Something That I Know, puis la pièce Hugs, qui a un peu de piano dessus. Puis ensuite de ça, on va entendre Hoffman, deux pièces vraiment punk. C'est sur l'album Hoffman, deux pièces dont la première s'appelle Cause Effect, puis l'autre s'appelle My Sanitary Ticket. Tout ça sur l'étiquette Lepers Production. Why you say I can't believe there's something good and nothing wrong? It's something I don't care, I'm gonna find out. Listen to all the others say, why don't you take this little thing? Now I know you're gonna be alright. And if I saw the cards, oh no, I can see them fight. I don't pretend to show. If the truth is on my side, I want to be more poor. But it's like I want to hide. I'm far from being back. I'm gonna wait for no day. I'm gonna find a way to be. Like me, there's no season. Now I live now for a day. Just to cheer yourself a flea. Thank you. Thank you. toujours sur l'étiquette complètement bordélique, l'étiquette italienne Lepers Production. C'était Hoffman avec la pièce My Sanitary Tickets. Avant ça, c'était Cause FX, deux pièces sur l'album intitulé Hoffman. On poursuit avec deux dernières pièces qui sont sur la même étiquette, un peu plus tranquille cette fois-ci. Il s'agit de Luke Lucas, un artiste de Houston au Texas. Je vous fais entendre sa pièce Massive Tone. Puis ensuite, on entend Headless Girl, sa pièce Diet Together. Vous écoutez Web Music. Massive tone, all alone, with a big bag of fucking bones, all alone. message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. Vous aimez le jazz? CKRL est présentement à la recherche de plusieurs producteurs-animateurs pour présenter Cool Jazz en semaine sur leur ligne. Nous recherchons des animateurs bénévoles avec ou sans expérience passionnés de la radio. Vous êtes intéressé? Appelez notre charmante directrice de la programmation, Marjorie Champagne, au 640-2575, poste 203, ou en ligne à programmation@commercial.ckrl.qc.ca. Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. C'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien de se voir. Des rendez-vous Estrade de Québec, du 10 au 13 octobre dans le quartier Petit-Champlain. 4 jours de musique, de chansons, d'animations, de contes, de danse et d'ateliers, sans oublier la joute chantée et le bal. Bobelot, les chauffeurs à pied, Desi Bao, le trio Daniel Boucher, la gang à Pomerleau, le groupe Sans Âge, le Vent du Nord, Geneviève Charlot, le duo Roi Renny et bien d'autres. Du 10 au 13 octobre, pour tous. La programmation est disponible dans les présentoirs du Voir et au www.estrade.qc.ca. Les productions Menoum, en collaboration avec CKRL, la radio culturelle, vous offrent un spectacle gratuit. Culture en péril, jamais. Je suis le seul qui doit se battre. En réaction aux coupures budgétaires dans la culture faites par le gouvernement conservateur, les artistes de Québec se réuniront le 8 octobre 2008 à 8h à l'Impérial de Québec. Seront présents les Brio. Je suis le seul qui doit se battre. Jean-François Lessard, Bazirka. Mauve, Bungalow, CEA. Exclusive, les forces vives sont animées, la ville s'éveille, mes boys sont encore. Et des artistes invités surprise. Pour information, cultureenpéril.jamais@gmail.com. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. Vous êtes toujours à Web Musique, c'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. On avait entendu avant la pause des artistes sur l'étiquette italienne Lepers Production, une étiquette complètement pétée. On va poursuivre cette fois-ci un peu avec de la musique électronique, histoire de se reposer un peu les oreilles. Je ne vous ai vraiment pas épargné avant la pause. C'était quand même assez écorchant. Donc, on va entendre cette fois-ci un artiste qui est sur l'étiquette russe Rosszod Netlabel. Il s'agit de Lawyer, qui vient de l'Ukraine. Je vous fais passer sa pièce Morning. Ça va être suivi par Baltimore. C'est un remix, deux pièces qui se retrouvent sur son album Silence. Ensuite de ça, sur l'étiquette japonaise Bombfoot, je vous fais passer l'Estonien qui s'appelle Captain. Je vous fais passer sa pièce Photosynthesis. Pour tout de suite, Lawyer avec la pièce Morning. Thank you.

Donc, un peu de drum and bass tropical, c'était Captain, un artiste qui nous vient de l'Estonie. C'était la pièce Photosynthesis. C'est sur l'étiquette japonaise Bumfoot. Pour poursuivre l'émission, ben j'ai encore un peu de musique électronique. C'est sur l'étiquette A Quiet Bump. Je vous fais entendre Volphonic, la pièce Dogman Dub, donc un tout petit peu de dub. Puis enfin, la dernière pièce à l'émission, c'est paru sur deux étiquettes, Terminal Station, qui est en Angleterre, et 51 Beats en Russie. Donc, c'est lancé sur les deux étiquettes. Il s'agit de Dick et Al. Je vous fais entendre la pièce Rain, Dick et Al, qui nous vient de la Macédoine. Pour tout de suite, Volphonic. We'll be right back.